بسم الله الرحمن الرحيم. ها عندك يا عبد الملك. يونس. يونس، est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que ماذا؟ نكاح فاسد. نكاح فاسد ونكاح باطل. C'est quoi ce qu'on appelle un mariage facile et c'est quoi ce qu'on appelle un mariage batel? Si on le traduit littéralement parlant, un mariage corrompu et un mariage caduc. C'est quoi la différence entre les deux? Rapport charnel entre les deux époux. Là, il y en a un qui passe, mais il y en a un qui passe. Là, on m'a mordu. Nikah batil, c'est lorsque il se marie avec une femme qui n'est pas musulmane. Là, s'il se marie avec une chrétienne, hein, elle n'est pas musulmane. Nikah batil? Elle n'est pas musulmane. Elle est chrétienne. Nikah batil? Là, là, oh. Oh, nikah sahih, bilijma. Les gens du livre. Les gens du livre. Et d'un cas, muhsana, si elle est chaste, hein? Il est permis de marier une femme de, comme c'est dans les versets de Surat Al-Maïda. Vous savez, c'est permis. Et donc, c'est quoi le mariage batil? Aslan, c'était une faïda qui n'est pas véritablement en lien avec nos dars. On l'a évoqué comme ça. Mais parce que nos dars, ils concernent le talaq. On n'est pas dans le mariage. Lakin, la bas bi mudakarat al-ilm. Si elle n'a pas de tuteur, ça c'est le nikah Ahmad batil. Ça c'est pas batil. Ça c'est nikah batil. Ça c'est nikah batil. Ça c'est nikah fasid. On a dit le nikah qu'on appelle le mariage corrompu, c'est celui sur lequel les savants ils ont divergé. Et madame, bien sûr, c'est une divergence dont celui qui contredit la voie juste, il est en erreur, d'une erreur évidente. Tandis que Mada Nikah al-Batil, c'est celui où il n'y a pas de khilaf, il n'y a pas de divergence entre les savants, comme quoi il est interdit. Comme le fait que la femme se marie avec un homme kafir. Comme le fait que la femme se marie avec un homme kafir. Le fait qu'elle n'ait pas de tuteur, ça c'est une masala. حصل فيه شيء من الخلاف. Il y a eu un khilaf entre les savants, comme l'imam Abu Hanifa. Lui, il dit qu'elle peut se marier sans tuteur, mais son avis est une erreur évidente, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la nikah illa bi wali. C'est un hadith sahih. Il n'y a pas de mariage si ce n'est avec le tuteur. Et c'est pourquoi il faut faire attention. Mais salat al wilaya fil nikah, mas'alatun 'azima. Le point de la tutelle, le point qui concerne la tutelle dans l'islam, c'est un point très très sensible et très très important. Bon nombre de frères, et ils se précipitent sur ce point-là, ils ont une forme de précipitation. Certains, par exemple, ils vont dire, oui, le tuteur de la sœur, il n'est pas musulman. Soit parce qu'il a laissé la prière aujourd'hui, hein, il n'est pas venu au Fajr. Maintenant, il n'est pas venu au Fajr. Yani, an amd. Volontairement, il n'est pas venu au Fajr. Est-ce qu'il sort de l'islam, il y a quoi ? Ah, Harun. Il ne sort pas de l'islam. Ind al-Kathir. Chez la plupart des savants, s'il a laissé une prière, hein, il ne sort pas de l'islam. Cheikh Ibn Baz, lui, il dit, s'il laisse une seule prière volontairement, khalas, il sort de l'islam. Et son avis, en vérité, c'est l'avis qu'on devrait, par lequel on devrait imposer à ceux qui disent que le fait de laisser la prière, c'est de la mécréance. On doit leur imposer cet avis-là. Puisqu'après, ils n'ont pas de dalil pour dire, ouais, mais s'ils laissent deux ou trois prières, ou s'ils laissent un... Non, il n'y a pas de dalil là-dessus. Vous avez compris ? Tamam. Ça veut dire que Fihad il-Masala, c'est pas... Khalas, on a entendu le père ou le frère, ou le, il ne fait pas salat, ou il a arrêté la salat pendant un temps, khalas. Allez, on n'ahkoum allez. Aslan, le fait de juger une personne comme étant kafir ou pas, c'est un truc très très grand. C'est une masala ardime qui ne revient pas à tout un chacun parmi les gens. Il y a des mahad, hein? il y a des gens, ils peuvent sauter madame, le droit de certains parents pour des ambiguïtés. Madame, hada dizaire wa albint madame maghribiya madame. Ou l'ab, il peut interdire au prétendant, il peut lui interdire sa fille. Parce que, soi-disant, il va lui dire, oui, je veux un Marocain pour ma fille, comme c'est, on est Marocain, je préfère un Marocain. Vous voyez ? Lui, Anshouba, il va se dire, ça, c'est du racisme. Et khalas, il dit, c'est du racisme. Il peut poser ses questions à des savants, il va trouver des savants qui vont lui dire, oui, tout ce qui fait partie des umour al-jahiliya, laysa lana dakhl. On n'a pas le droit de rentrer dans ce genre de mots. Enfin, à la kulli hal, c'est pas comme ça qu'on saute le droit de tutelle d'un top. Ce n'est pas comme ça qu'on saute le droit de tutelle. Non. Ben, au contraire, il faut qu'il y ait une munasa, il faut qu'il y ait une réelle assise avec les tuteurs de la femme et vraiment voir si ils sont totalement fermés sur le fait de marier leur fille par rapport à une cause qui n'est pas de la religion ou autre. Certaines personnes, comme on est dans ce genre de pays, comme vous le savez, les l'asaf al-shadid, il se peut que certains frères, ils ont connu leur femme avant le mariage. Tamam ? Qad yahsul hada ? Lorsqu'il vient pour demander la main, il veut faire le halal, il veut demander la main au père. Le père, s'il était déjà au courant qu'il y avait déjà une relation qui s'était faite, il se peut que le père dise non. Par rapport à ça, est-ce qu'on va lui dire, ouais, non, le père, il a bloqué, il est fermé, on saute. Là, هذا سبب ولا هو ذلك ولا هو الحق. C'est pourquoi, vraiment, il faut faire très attention. La mas'ala al-wilaya, la tutelle, c'est une mas'ala très très sensible et il faut arriver, que ce soit dans le mariage ou dans d'autres, il faut rentrer par les portières. Wa'tul buyuta min abwabiha. Venez aux demeures par les portes. La tutelle de la femme. Nous avons entré dans ce livre très intéressant. Et Allah, le فسنستفيد اليوم إن شاء الله في هذا الكتاب كتاب الطلاق وإن شاء الله profiter encore et apprendre énormément des مسائل في هذا نعم والطلاق يا إخوان في الأصل عبد الملك le divorce أو خالد le divorce à la base le divorce est-ce que c'est permis, c'est recommandé, c'est détesté, c'est interdit, c'est quoi? À la base. Ouais. À la base. Si, moi je veux regarder à la base. Hein. À la base. Ouais. Bon, en tout cas, Charles-Denis a dit que c'était quelque chose de détestable parce qu'Allah Spontané a dit qu'en plus il y avait des grands bienfaits dedans. Ahsant, ahsant. Lillahi tarouk. Fal asl huwa hadha. La base dans le talaq, ya ikhwan, c'est que c'est makrouh. Et ça, garde-le dans ta tête, ya ikhwan. Gardez-le dans vos têtes. C'est que à la base, sans qu'on regarde les causes, ceci, cela, à la base, tu te dis que le talaq, c'est pas la chose recommandée dans un couple. Ben, au contraire, c'est détestable. Ça, c'est la base. Ça veut dire quoi, en fait, Juan? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire que awalan, l'insan لا ينظر ولا يلتفت الى الطلاق عند كل صغيره. La personne ne doit pas se tourner vers le divorce ou faire du divorce un moyen dans son couple à chaque petit problème ou autre. Non, parce qu'à la base c'est makro. Ça veut dire trouve des hiel, trouve des autres choses, trouve des solutions pour améliorer ton couple, avant de tourner vers le talaq. Avant de tourner vers le talaq. Kam min shakhsin yutalliq imra'ata tam'an fi ukhra. Fa idha bil ukhra ashadd nakbatan min al ula. Combien d'hommes ils ont divorcé leurs épouses en espérant se marier avec une autre. Et voilà que quand ils sont avec une autre, ils se retrouvent dans des problèmes pires que ceux qu'ils avaient avec la première. Wa kam min mar'a tufariq zawjaha tam'an fi akhar. Wa idha bil akhar ashadd dararan 'alayha. Et combien de femmes elles peuvent se séparer de leurs époux en espérant un autre. Et voilà que cet autre homme mada est pire encore que le premier. Fal asl ya ikhwan, c'est que le talak, c'est makro. Le asl, c'est que c'est makro. Ça veut dire l'insan, il ne revient pas vers ce genre de chapitre, vers ce genre de bab dans son couple, si ce n'est qu'il a tout fait. Qu'il a tout fait pour éviter cela. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. Il se peut que vous détestiez une chose alors que c'est un bien pour vous. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. Il se peut que vous aimiez une chose alors que c'est un mal pour vous. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. C'est Allah qui sait alors que vous ne saviez pas. فنحمد الله يا إخواننا في الإسلام. On remercie Allah عز وجل qu'il est fait qu'on soit dans l'islam, qu'il nous a accordé l'islam. Wallahi, ya ikhwan, quand vous lisez ces règles, vous allez trouver un apaisement, une quiétude incroyable. C'est des règles, tu sens que c'est les règles d'Allah Azzawajal, des règles divines. Et si vous méditez et vous repensez que ces règles-là, c'est pas d'aujourd'hui qu'elles sont apparues. C'est il y a plus de 1400 ans. Et là, il faut que vous imaginiez, Juan, comment était le hal, comment était la situation du reste du monde, il y a 1400 ans. Dhulumat. Ils étaient dans un égarement incroyable, dans des obscurités sans fin. Et ils n'en sont sortis, c'est-à-dire les ennemis de l'islam, les non-croyants, ils ne sont sortis. De bon nombre de leurs égarements que quand ils ont découvert certaines technologies. l'électricité ou autre. Avec l'électricité, ils ont pu faire chauffer l'eau. C'est là qu'ils ont commencé à prendre des douches, pour certains peuples. Voilà. Vous connaissez l'histoire de je ne sais plus c'est quel roi de France, qui se lavait une fois dans l'année. Si c'est bien Louis XIV, Louis XVI, la Madrid. Hein, ça veut dire, à cette époque-là, les Arabes et les musulmans, ils avaient déjà des ahkam badir. Lorsqu'ils ont un rapport avec leurs épouses, ils se lavent. Eau froide, aux choses, c'est pas un problème. Amchi, at-tahar, la purification, la circoncision. La circoncision, c'est quand qu'ils ont découvert que le fait de garder ce bout de peau pour les hommes, c'est très très nocif pour le corps. C'est qu'il n'y a même pas une trentaine d'années. Naam. Wa nahnu al-muslimun ala hadha min zaman qadim. C'est pourquoi l'insan, il ne faut pas qu'il soit trompé. وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Ne soyez pas trompés par la vie d'ici-bas. Ne soyez pas trompés. Ce que vous avez devant les yeux, le Coran, il vous suffit. Dans tout. Avec vos épouses, avec vos frères, avec vos femmes, dans l'éducation de vos enfants, dans tout. Mais lorsqu'on veut regarder à droite chez les kofars, on est émerveillé par ce qu'ils ont, on se dit, ouais, peut-être on peut faire comme eux, on peut faire... Là, هَوْلَا فِي ضَلَالِ بل هم أشد من ذلك. نعم. قال المؤلف عليه رحمة الله وحفظه الله باب. قبل هذا، je voulais voir avec vous une faïda jamila. Cheikh Zayed il évoque que le talaq, même si on a dit que le talaq à la base, c'est macro. تمام؟ Le talaq à la base c'est macro. Maintenant, si on regarde différentes causes et différents éléments, en fait le talaq, tantôt il peut être obligatoire, tantôt il peut être recommandé, tantôt il peut être licite, tantôt il peut être détestable, tantôt il peut être mana, interdit. Tamam? On va déjà lire ce hadith. باب الطلاق السني هو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. طيب جميل. Donc premier chapitre, الطلاق السني, le divorce qu'on appelle sunni, c'est-à-dire celui qui est conforme à la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام. Il consiste à ce qu'il divorce, à ce qu'il divorce de son épouse alors qu'elle est fitohar, alors qu'elle est dans une période purifiée, alors qu'elle est dans une période tohar. Tohar, c'est-à-dire elle est pure de tout menstrue, lochi et autres. Donc elle est dans cette période-là. Et en plus, dans cette période-là, il ne l'a pas approchée. C'est-à-dire au lit. Il n'a pas eu de rapport intime avec elle. Non. Ça, c'est ce qu'on appelle le talaq sunni. Donc là, la personne, si elle divorce son épouse alors qu'elle est en état de menstrue, est-ce que c'est un divorce sunni? Et Aria, elle divorce son épouse alors que il divorce son épouse alors qu'elle est en état de menstrue. C'est pas un talaq sunni. Alors qu'elle est à la selouchi. Hein? Allah alam. Sainte. Asma. Il ne faut pas qu'elle soit en état d'impureté. C'est pas des... Donc ça, c'est pas un talaq sunni. Et si il divorce son épouse et elle est enceinte, hein? C'est pas un talaq sunni. Une fois, il me semble que j'étais tombé dans cette kalima. Hein? Le divorce, il prend effet. Non, mais est-ce que c'est un divorce sunni? Si lui, il la divorce alors qu'elle est enceinte. Il dit un petit talak. Hein? Donc c'est un talak sunni. Nous, on veut juste savoir est-ce que c'est un talak sunni ou est-ce que c'est un talak bidé. Il est en état de purification, ce qui peut s'approcher d'elle pendant qu'elle est enceinte. Elle est là. Donc elle est en état de purification. Là. Mais pour déjà, on a dit que. Bon, on va revenir. Pour toi, c'est un talak sunni. Là. Si on prend la règle. Si on prend la règle, c'est pour être sûr qu'elle n'est pas enceinte. Voilà, pour Ahsen. Donc ça veut dire que c'est un talak sunni pour toi? Non, c'est quoi ça? Elle est enceinte. C'est l'enceinte, non? Si on prend Mais la là, règle. tu viens de dire un truc intéressant. Hein? Faut que tu te mettes plus vers moi. Hein. Il y avait deux Vous secondes. savez, Juan, que ceux qui se rapprochent du mudarris, Allah subhanahu wa ta'ala, il les comble de plus de rahma. Il y a un hadith où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était dans une halqa au milieu des de compagnons. Il y en a un qui est passé, il a voulu s'arrêter pour s'asseoir avec le prophète dans la mosquée. Et il a eu honte, il est parti. Il y en a un autre, il est rentré, mais il a eu honte de venir s'approcher devant le prophète, alayhi salatu wa salam. Il est resté derrière. Et il y en a un autre, il est rentré, il est venu jusque, presque devant les genoux du prophète, alayhi salatu wa salam. Le prophète, alayhi salam, il a dit, vous voulez que je vous informe sur ces trois personnes? Il a dit, le premier, celui qui est rentré et qui n'a pas voulu s'asseoir. Il s'est détourné d'Allah, Allah s'est détourné de lui. Le deuxième, il est venu et il n'a pas osé se rapprocher par honte. Il a eu honte d'Allah, Allah a eu honte de lui. C'est un mérite, c'est un bienfait, mais ce n'est pas le plus gros des bienfaits. Et celui qui s'est rapproché, taqarraba, qarraba Allahu, taqarraba Allahu min. Il s'est rapproché, Allah s'est rapproché de lui. C'est pourquoi dans la halaqat al-ilm, les gens se rapprochent du mudarris. Normalement, dans les halaqat al-ilm, on ne doit pas se trouver loin du mudarris. Plus on se rapproche, plus il y a de la baraka. Plus on se rapproche, plus il y a de la baraka. Non. Taïb. Et donc, le fait de divorcer, madame, la femme, alors qu'elle est enceinte, c'est un talak sunni. C'est un talak sunni, Ahsant, Ali, Abou Abdelrahman, Hayak Allah. C'est un talak sunni, ya Khoan. ولعلي قد أخطأت مرة فيما أذكر أني سئلت وذكرت الحيض والنفاس والحمل الحمل لا يا إخوان et peut-être je suis tombé dans une erreur il y a quelque temps un mois ou deux je sais plus on m'avait posé la question et j'avais dit que le talak sunni C'est quand la femme, elle n'a pas ses menstrues, elle n'a pas ses louchis ou autre. Je crois que j'avais évoqué la grossesse. Voilà, voilà. Voilà. Hein, ceux qui ont entendu ça de moi, c'est une erreur. Soit j'étais ailleurs ou là. Talaf, madame. Talaf, elle hamel. Talaf, un sunni. C'est un talaf sunni et c'est bilijma. Il n'y a pas de khilaf. Le talak qui prend effet sur place ou sur la couche? Le talak qui prend effet, comment ça? Le talak qui prend effet, il prend effet sur place. Sur place. Sur place. Il y a un frère qui demande est-ce que le talak il prend effet sur place? Non. Que ça, le talak. Comme tous les autres talak. Il prend effet sur place. Maintenant, est-ce que elle, ça va être quoi sa période de viduité? L'accouchement. Jusqu'à l'accouchement. تمام؟ نعم. بس هون بالبور ان شاء الله. طيب قال كيفية طلاق السنة؟ دونك لا اون اي دون ليفر دو شيخ زايد مسك الختام. بروميير مسألة كومون لو طلاق إلي كاليفي كوم إيتون طلاق دو سنة؟ قال كونفورم على السنة. قال ابن المنذر عليه رحمة الله أجمع أهل العلم على أن من طلق زوجته طلقة واحدة وهي طاهرة من حيضة لم يطلقها فيها ولم يكن جامعها في ذلك الطهر أنه مصيب للسنة. Donc, ça c'est bilijma. L'unanimité des savants, ils sont de l'avis que la personne, si elle a divorcé son épouse une fois, c'est-à-dire elle a dit ça une seule fois, et elle a dit divorce, elle a dit le mot divorce ou un terme comparable, pendant que sa femme est purifiée des menstrues ou autres, non, et qu'il n'a pas eu de rapport avec elle. Alors lui, on dit qu'il a certes été conforme dans son, dans sa façon, dans sa manière de divorcer, il a été certes conforme à la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. قلت وهكذا نقل الاجماع ابن عبد البر. Donc ça c'est بالاجماع. تمام. طيب وشيخ العثيمين يتدي طلاق السنة هو ما ما جمع أربعة قعود أو قيود قيود عفوا. Donc, Cheikh Al-Athimi te dit, le divorce conforme à la sunna, c'est celui qui regroupe quatre choses. Taïd. An yakuna marra. Il faut que ça soit une fois. Si tu le dis, par exemple, tu dis anti-talik. Hein, tu dis, t'es divorcé 100 fois. T'es divorcé 1000 fois. Ça, c'est un talak. Eh? Bid'i. Talak bid'i. Après, on va voir. Et c'est une masala, bon, peut-être on n'aura sûrement pas le temps de la voir aujourd'hui, la semaine prochaine, mais c'est une masala très très très importante. On va l'apprendre du début à sa fin. On va voir les paroles de chaque, parce que c'est un point très très important. Est-ce que celui qui a contracté un talaq, un divorce, ou qui a commis un divorce qui n'est pas conforme à la sunna, est-ce que son divorce là, il est compté? Est-ce que son divorce là, il est compté? Non. On verra ça la semaine prochaine, Inch'Allah. طيب على كل حال donc si la personne il faut pour que ce divorce soit considéré comme étant conforme à la sunna il faut que il l'ait dit il l'ait prononcé qu'une seule fois wa fi tahr et dans une période où la femme n'a pas de menstrues n'a pas de lochi wa kadhalika lam yujami'ha fihi et c'est une période même si elle a pas de menstrues même si elle a pas de lochi tu ne dois, c'est une période où tu ne l'as pas approché. Tu ne t'es pas rapproché de ton épouse. C'est-à-dire, par exemple, elle est sortie de sa période de menstrue il y a 2 jours. Donc elle est devenue pure. Elle s'est purifiée. Tamam. Du moment qu'elle est devenue pure et toi, tu n'as pas eu de rapport avec elle, à ce moment-là, tu peux la divorcer tout en étant conforme à la sunna. T'as طيب ولم يلحقها بطلقة أخرى. Et aussi, il ne doit pas la divorcer d'un autre divorce. Ça veut dire là, qu'est-ce qui veut dire par là? Elle était dans une période pure, purifiée de menstrues et lochi. Ni il s'est rapproché d'elle. Tamam. Ni il a eu de rapport avec elle. Et là, il lui dit un petit talak. Il lui dit qu'elle est divorcée. Ça, ce premier divorce-là, il est sunni. Il est conforme à la sunna. Mais si, parce que ça, ça reste un divorce récupérable. S'il lui dit encore, c'est-à-dire 2-3 jours plus tard, sans qu'il ne l'ait récupéré, mais il est dans une autre assise, c'est-à-dire dans un autre moment, et bien il lui dit un petit talak, hada kadalak. Ça rentre dans l'innovation. Pourquoi? Parce que pour qu'il soit valable, il faudrait qu'il l'ait récupéré. Ou pour qu'il soit conforme à la sunna, il faudrait qu'il ait déjà récupéré son épouse. Tamam? Donc ça, j'ai fa'ida Cheikh Al-Uthaymeen. Jama'a arba'a qu'oud. Ma jama'a arba'a qu'oud. Ou arba'a qu'oud. Non. Taïd. فائدة أخرى إذا طلقها حائضا أو في طهر جامعها فيه فماذا عليه؟ طيب S'il l'a divorcé alors que elle avait ses menstrues, ou alors que il a eu un rapport avec elle, lorsqu'elle est devenue pure, il a eu un rapport avec elle, ensuite il a divorcé. Tamam. Qu'est-ce que il advient de cette personne-là? أولاً اتفقوا على أنها إذا انقضت عدتها ألا رجعة له عليها. Déjà, il faut savoir que les savants sont unanimes que si lui la divorce pendant qu'elle a ses menstrues ou pendant qu'elle est devenue pure mais il a eu un rapport avec elle, si lui la divorce et ensuite il laisse passer sa période de viduité, qui est de combien, Yahya? Trois périodes de règles. S'il laisse passer cela, ils sont unanimes, les savants, pour dire que ça y est, c'est plus, il n'a plus le droit de la récupérer comme le divorce récupérable. Tamam. Juste en se rapprochant d'elle ou en disant une parole qui sous-entend cela. Non, là, il sera obligé de refaire un nouveau mariage. Voyez. ثانيا اتفقوا على انه لو طلق قبل الدخول وهي حائض لم يؤمر بالمراجعه. طيب. Ils sont aussi de l'avis, tous unanimes, que s'il a divorcé sa femme, il vient de se marier avec sa femme, tamam. Et ça peut arriver. Certaines personnes, ils se marient avec leurs épouses. Et par exemple, la nuit de noces, ils voient qu'elle est en état de menstrue. T'as vu? Et il se peut que la nuit de noces se déroule mal. T'as même? Donc il se peut qu'il soit amené à dire un tétal. Tu es divorcé. Alors qu'elle est en état de menstrue. Est-ce que lui, on va lui ordonner, comme il l'a fait, comme il a divorcé en état de menstrue? Et le fait de divorcer en état de menstrue, c'est pas permis, comme on va le voir dans le hadith. Le fait qu'il ait commis un péché, est-ce qu'on va lui dire de récupérer son épouse? Est-ce qu'on va lui ordonner de récupérer son épouse? Là, dans cette masala-là, le fait qu'il n'ait pas consommé le mariage et qu'il ait divorcé dans ses menstrues, là, les savants, ils sont unanimes sur le fait qu'on n'ordonne pas à cette personne-là de récupérer son épouse. Tamam. Hadi Aslan, on va lire le hadith, peut-être vous allez mieux comprendre. Mais ça jusque-là, c'est mafhoum. Hein? Celui qui ne comprend pas les choses, il n'hésite pas à rien croire. Tayyib. Na'am. Thalithan, ajma' al-ulama anna man talaqa zawjatahu fi tahrin massaha fihi annahu la yujbar ala raj'atiha. وإن كان فعل خلاف السنة بخلاف الحيض. طيب. كذلك celui qui a divorcé son épouse alors qu'elle était dans un moment où elle était pure des règles et des lochis, mais ماذا, il a eu un rapport avec elle. Celui qui l'a divorcé dans ce moment-là, on va pas lui ordonner de récupérer son épouse. Comme c'est le cas de celui qui la divorce lorsque elle est en état de menstrue. Celui qui divorce son épouse en état de menstrue, le hadith, on va le lire là tout de suite. Il dit que Abdullah ibn Umar, le prophète sallam lui a demandé et lui a ordonné de récupérer son épouse. Akhana ya Aba Idris, al-amr mada tufid. Al-amr, le fait que le prophète sallam il ordonne, qu'est-ce que ça indique? Al-wujub. Na'am. Al-amr tufid al-wujub. Donc ça ordonne que ça montre, ça implique que celui qui divorce son épouse pendant qu'elle a ses menstrues, on doit lui ordonner de la récupérer. Si toutefois, il a déjà eu un rapport avec elle. Mais celui qui vient de se marier, il n'a pas eu de rapport avec elle, il divorce pendant les menstrues, on ne lui ordonne pas de revenir avec son épouse. Tamam. Je vous dis, Ikhwan, ça c'est un kitab daqiq jiddan. C'est pour ça qu'on va marcher lentement, mais inshallah, c'est pour que chacun d'entre nous on sort et on ait bien compris mas'alat at-talaq. Kama yambari, le sujet du divorce, on le maîtrise. Taïd. Rabi'an. Wa subhanallah, Cheikh Zayed, tada. Cheikh Zayed, ya ikhwan, faqihum. Wa rubbama huwa afqa min Cheikh Ibn Hizam. Misk al-khitam, hada kanz. Le livre de Cheikh Zayed, Misk al-khitam, c'est vraiment un livre énorme. Et il se peut que Cheikh Zayed soit plus savant dans le fiqh que Cheikh Mohammed ibn Hizam, sahib Fath al-Allam. Quand tu vois comment il détaille les chapitres ou comment il détaille les masail al-fiqhiyya, tu t'ajab. نعم قال رابعا اجمعوا على انه اذا طلقها وهي حائض فانه يؤمر بمراجعتها. Et pareil, les savants, ils sont unanimes sur le fait que s'il a divorcé sa femme en état de menstru, on doit lui ordonner de récupérer son épouse, de revenir vers son épouse. خامسا اختلفوا هل يجب عليه ان يراجعها ام يستحب على قولين. القول الاول يجب وهو قول مالك وداود ورواية عن أحمد وبعض الحنفية. وحجة هذا القول حديث ابن عمر الذي ذكره. بعد ذلك on va lire le hadith ابن عمر pour que tout le monde comprenne la masala. عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه أخبره أنه طلق امرأته وهي حائضة. فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال. Donc عمر عبد الله بن عمر il a divorcé une fois l'une de ses épouses alors qu'elle était en état de menstru. Cela a été évoqué à ماذا? Cela a été évoqué à عمر. Et عمر l'a évoqué au prophète عليه الصلاة والسلام. Et voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère. Donc le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il se mette en colère, ça montre que quoi, yakhwa? Wa huwa la yaghdha billah fi ma tajawaza al-'abd min hududillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il se mettait jamais en colère si ce n'est lorsque les limites d'Allah ont été franchies. Donc là, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère, ça montre que celui qui divorce son épouse alors qu'elle est en état de menstru, il est dans un péché. Il est dans un péché. ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها في تلك العدة كما أمر الله. فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. Donc le prophète sallam lui dit qu'il la récupère. Il dit au sujet d'Ibn Omar qu'il la récupère. Qu'il la récupère. نعم. ثم نعم. Qu'il la récupère et qu'il la garde auprès de lui. Qui la garde auprès de lui jusqu'à ce qu'elle se purifie. Jusqu'à ce qu'elle se purifie, c'est-à-dire qu'elle sorte de sa période de menstrue. Et ensuite, Mada, est-ce qu'il peut la divorcer? Là, regardez, il l'a divorcée dans sa période de menstrue. Le prophète Zazem lui demande de la récupérer. Là, si elle sort de sa période de menstrue, et qu'elle se purifie, est-ce qu'il peut la divorcer? Non. Hein? Non. Si après elle sort de sa période de menstrue, elle se purifie et que lui il l'a pas touché, est-ce qu'il peut la divorcer? Là, il l'a divorcé dans sa période de menstrue. Ça va? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demande de la récupérer et de la garder auprès de lui. Ça va? Et ensuite il lui dit. Si, ou plutôt la question que je vous ai posée, c'est si il l'a récupérée et qu'il l'a gardée auprès de lui, elle est encore en état de menstrue. elle devient pure, elle sort de sa période de menstrue. Est-ce que, une fois qu'elle est devenue pure, il peut la divorcer ? Hein ? Non ? Hein, et toi, Faiz? J'aurais bien ce qu'il a dit. C'est pas mal. Hein. J'aurais dit que le premier, son premier talak, il prend effet dès qu'elle sort de la période du milieu. Dès qu'elle sort de la période de menstrue. D'une nouvelle période de menstrue? Non, de cette période de menstrue. De cette période de menstrue. Elle s'arrête, son talak prend effet à ce moment. Taïb, regardez ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il leur donne là. Abdallah ibn Umar. Donc il dit liyuraji'ha thumma yumsikha hatta tathur, qu'il la garde auprès de lui jusqu'à ce qu'elle se purifie. Thumma tahir. Donc ça veut dire elle s'est purifiée, mais ensuite il lui dit il faut encore une autre période de menstrues. Ensuite il lui dit il faut encore une autre période de menstrues pour que la première là, ça y est, on l'oublie. Donc, il s'est rien passé dedans. Tamam. La première où il a dit le talak, khalas. S'il veut vraiment la divorcer, il faut qu'il y ait une période de menstrue qui passe. Mahama yakoun. Tamam. Thumma tahid fatathur. Et après cette période de menstrue, c'est d'ailleurs une période de menstrue où il ne l'avait pas divorcé, c'est là que, une fois qu'elle a passé cette période-là, fa'in bada lahu an yutalliqaha fa yutalliqaha. S'il a encore la tête dans la tête de la divorcer, qui la divorce ? Ya ikhwan hadha badi'. Saraha, celui qui a une connaissance des relations conjugales, il voit tout de suite que ça c'est divin, ça vient d'Allah Azza wa Jalla. Parce qu'en fait Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète alayhi salatu wasalam, ils veulent pas que l'être humain il réagisse à chaud. Non, parce qu'à chaud tu peux faire beaucoup de choses, tu peux dire beaucoup de choses que tu penses pas ou que tu penses très peu. Et c'est pourquoi la femme, le divorce, il n'est pas dans ses mains. Car comme a dit بعض المشايخ, si le divorce était dans leurs mains, elles auraient divorcé leurs époux 100 fois dans la journée, elles les auraient récupérés 100 fois dans la même journée. Non. L'homme, Allah subhanahu wa ta'ala, lui a donné une capacité de patienter, il lui a donné une capacité de maîtriser sa propre personne. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou la législation, elle nous ordonne, même dans ce chapitre-là, de maîtriser notre colère et de se maîtriser. Non. Fatala, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il la divorce lorsqu'elle se trouve tahira. Yani lorsqu'elle se trouve purifiée et qabla an yamassaha, et avant qu'il ait un quelconque rapport avec elle. C'est-à-dire, elle est arrivée dans une période de purification et il n'a pas de rapport avec elle. C'est là que il se doit, s'il veut, si jamais il veut la divorcer, il se doit de la divorcer dans cette période-là. Il ne l'a pas approché depuis qu'il l'avait divorcé quand il était en période de règle. Non. Il ne l'a pas approché depuis que. En fait, il l'a divorcé, de toute façon, il a dit qu'il la reprend. Ouais. Il lui a dit qu'il la reprend. Après, il a une période de pureté. Voilà. Il n'a pas approché. C'est ça. Même s'il approche durant sa période de pureté, ma'alek min bas. Même s'il approche du moment que là, il y a une période de règle. Hein, sa période de règle, elle est passée. Tamam. Et que Mada, elle se trouve pure, purifiée de tout. Rapport ou autre. Là, il peut la divorcer. C'est pas, en fait, il ne faut pas comprendre que celui qui veut divorcer sa femme, il faut absolument qu'il y ait une période de règles qui passe avant qu'il la divorce. Non. Ça, c'est l'éducation que le prophète sallam a donnée à ce compagnon. Comme il a commis un khata, comme il a commis, il est tombé dans une erreur de jugement ou quoi. Bref, il est tombé dans une erreur, le prophète sallam, il l'a éduqué en lui montrant que la femme, en vérité, si on doit la divorcer, on doit la divorcer dans une période où elle n'est pas en état de menstrue et dans une période où elle est purifiée d'avoir eu un rapport avec son mari. Peu importe, si tu la divorces dans cet état-là, c'est un talak, sahih, sunni. Ce hukm-là, il était khas pour lui. C'est pas un moment. C'est-à-dire ce jugement-là, du fait qu'il devait attendre deux périodes de règles avant de pouvoir la divorcer. يعني هل هذا يخصه هذا ما رأيت من قال بالخصوصية j'ai pas vu de savant mais on va chercher inshallah est-ce que ça c'était propre à Abdullah ibn Umar الذي عندي هو هذا هو هذا parce que يعني كما نقلت لكم الإجماع l'unanimité des savants, ils disent que la femme, elle est divorcée. Si elle est divorcée dans sa période où elle n'a pas de menstrue et qu'elle n'a pas eu de rapport avec son mari, c'est un divorce qui est sunni. Et ils n'ont pas conditionné qu'il y ait d'abord une période de menstrue ou, comme on le voit dans le hadith. C'est mal? Donc là, il se peut que ça soit propre à Abdullah ibn Umar. Mais pour ça, il faut qu'on ait un imam qui le dise, Inch'Allah. On va approfondir et peut-être que ça va être évoqué dans les shurouhat qu'on a devant les yeux. Tamam. C'est à quelle heure le Maghreb? Dans 3 minutes. Taïb, s'il y a des questions, Yahwan. Ce livre-là, Saraha, il faut, je crois que la semaine prochaine ou quoi. C'est un livre, il est passionnant, Yahwan. Le sujet, le chapitre sur le talak, il est passionnant parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ignore. Il y a énormément de choses qu'on ignore. Excusez-moi, une fille qui avait forniqué avec un homme mais qui était mécréant. Une femme qui est tombée dans Zina. Avec un homme mécréant. Avec un homme mécréant. Ils ont eu un enfant. Ils ont eu un enfant. Seulement cet homme-là, il s'est converti. Il vient pour se marier avec la fille, mais le tuteur il refuse. Bah, pour ce que tu as dit tout à l'heure, il refuse parce qu'il dit non, il n'est pas venu de la bonne porte et tout ça. Malgré que lui. Mais a bien précisé que cette personne-là, celui qui s'est converti, mais pendant un an et tout, mais il ne prie pas encore, tu vois. Des fois il prie, des fois il ne prie pas. À la kulli hal, là, il y a un frère qui demande, plutôt c'est une sœur. Qui demande à une personne, une femme qui a un rapport ou une relation hors mariage avec un homme, et de cette relation a découlé un enfant. Taïb, après la naissance de cet enfant-là, l'homme a voulu demander la main de cette femme à ses tuteurs. Et les tuteurs ont naturellement refusé cela. Est-ce que. Madame, c'est quoi la question? Est-ce que le tuteur il est dans son droit de... Est-ce que le tuteur est dans son droit? Non. ولا شك في ذلك. Il n'y a aucun doute qu'il est dans son droit. فإن الأبواب وقت البيوت من أبوابها. Venez aux gens par venez aux maisons, aux demeures par leurs portes. Et bila شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول le prophète صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Personne d'entre vous ne sera véritablement croyant tant qu'il n'aimera pas pour autrui, ce qu'il aime pour lui-même. Personne parmi les gens qui ont une nature saine, il aimerait que un étranger vienne prendre une femme parmi les femmes de la famille et il tombe dans une turpitude comme c'est évoqué dans la question. Personne. Fal-Wali, il est tout à fait en droit de dire que non seulement il a été injustement, on sait, c'est une injustice qu'il a subie. C'est une injustice. Fawa, bila chak, voilà, rien, lahul haq, il est dans son plein droit de refuser. Et après, la femme, si elle est pieuse et qu'elle craint Allah Azza wa Jal, elle doit déjà se repentir d'avoir infligé à ses parents l'ar, la honte. Déjà, elle doit se repentir de ça. Elle doit se repentir aussi avant ça. elle doit se repentir de son péché, mais elle ne doit pas oublier que si vraiment elle est sincère dans son tawba, si vraiment elle est sincère dans son tawba, elle doit tout laisser. Si maintenant elle veut prendre le chemin qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aime et il agrée, elle se conforme à ce que son tuteur il accepte. Ouais, khalas. Bien sûr, le tuteur il peut pas la forcer après de se marier avec une personne qu'elle veut pas. Mais si cette sœur là est sincère dans son tawba, elle se doit d'arrêter la désobéissance aux parents. فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah subhanahu wa ta'ala a décrété qu'on n'adore que lui, et il a décrété aussi qu'on fasse preuve d'excellence envers les parents. Donc là, ce n'est vraiment pas faire une preuve d'excellence, c'est une injustice faite envers les parents. D'abord, elle se fait de l'injustice à elle-même, mais en plus à ses parents. Donc Naam, si toutefois le tuteur n'est pas d'accord pour ce genre de raison, voilà le haq. Un restaurant qui vend de la viande halal et de l'alcool. Un restaurant qui vend de la viande halal et de l'alcool. Parmi les boissons, elles vendent. Parmi les boissons, là. Est-ce qu'on peut dire que c'est un restaurant halal et est-ce qu'il nous est permis d'y manger? Est-ce qu'on peut dire que c'est un restaurant halal à Adala? Adala, c'est un restaurant Fiazour. C'est un restaurant dans lequel il y a de la désobéissance, dans lequel il y a du péché. Non. On n'a pas le droit de manger là-bas, du coup. Mange pas. On va pas dire que c'est haram de manger là-bas, surtout si c'est de la nourriture où vous êtes sûr à 100%. Que c'est de la nourriture halal, lakin l'insan, on doit s'éloigner de toute chose douteuse. Inch'Allah, pour les questions, on les prendra après la prière, Inch'Allah.